Chapitre 7e. Le jardin du docteur. Mary avait réussi avec beaucoup de dignité à calmer l'ardeur de Frank, mais il lui restait à se calmer elle-même. Les femmes sont peut-être tout aussi susceptibles d'aimer que les hommes. Frank était beau, aimable, il avait un cœur excellent, de l'intelligence. De plus, c'était un gentleman et le fils de M. Gresham de Greshamsbury. L'affection de Mary pour lui avait grandi avec elle. Elle eût été désolée si quelque malheur lui était arrivé. On ne peut donc pas supposer que l'aveu de son amour la trouva complètement indifférente. Cette déclaration n'avait peut-être pas été exprimée par les formules consacrées. Nos jeunes lectrices trouveront peut-être que Mary ne devait y attacher aucune importance, tant elle avait été faite d'une manière enfantine. Son « m'aimez-vous, ne m'aimez-vous pas, etc. » était tout à fait dénué de l'ardeur d'un amant passionné. Cependant, il y avait dans le langage de Frank une chaleur, une sincérité dont Mary n'avait pu s'empêcher d'être émue. Nous sommes disposés à croire que de semblables déclarations ne sont pas toujours faites par le commun des mortels dans le langage poétique et passionné que la poésie et le roman leur attribuent en général. Il est difficile de bien rendre ce que l'on n'a jamais vu ou entendu. Cependant, l'auteur a une fois l'occasion d'entendre une conversation de ce genre, qu'on ne s'imagine pas, après l'avoir lu, que les personnages appartinssent à la classe vulgaire, loin de là. L'un et l'autre étaient très bien élevés et accoutumés à vivre en bonne société. La scène se passe au bord de la mer, en automne. Le jeune gentleman. « Eh bien, mademoiselle, pour en finir, me voici. Vous êtes libre de me prendre ou de me laisser. » La jeune miss, faisant avec son ombrelle une petite rigole dans le sable, afin de faire couler un peu d'eau de mer d'une cavité dans une autre. « Oh, je sais bien que tout cela n'est qu'un badinage. » Le jeune gentleman. « Comment, un badinage ? Mais je suis on ne peut plus sérieux. Voyons, Jane, me voilà. Vous pouvez au moins me dire quelque chose. » La jeune miss. « Oui, certes, je puis dire quelque chose. » Le jeune gentleman. « Eh bien, dites, voulez-vous m'accepter ou me refuser ? » La jeune miss, d'une voix très lente, presque éteinte, et continuant son entreprise des ponts et chaussées, « Je ne désire pas positivement vous refuser. » C'est ainsi que se termina cette grande affaire, et si plus tard ils ont pensé l'un ou l'autre à ce moment-là, le plus doux de leur vie, ils l'auront trouvé plein de poésie. Après que Mary ait réussi, à ce qu'elle croyait, à dompter Frank, dont la demande, pour le moment du moins, lui paraissait absurde, il lui restait à dompter son propre cœur. Il n'y aurait pas eu pour elle de bonheur plus grand sur la terre que celui de posséder l'amour de Frank, si elle eût pensé qu'elle pouvait honorablement l'encourager. Quel homme, à ses yeux, était plus digne d'être aimé que celui que révélait déjà l'adolescent? Ne l'aimait-elle pas déjà tel qu'il était? Ne sentait-elle pas qu'ils étaient faits l'un pour l'autre? Il lui était si doux d'être la sœur de Béatrice, la fille du Squire, d'appartenir corps et âme à Greshamsbury. Et cependant, quoiqu'elle ne pût pas entièrement bannir ses pensées, Mary ne songea pas un seul instant à prendre au sérieux la déclaration de Frank. Il était nécessaire qu'il vît le monde avant de se décider au mariage, et quoiqu'elle n'aimât pas Lady Arabella, elle lui devait quelques égards, sinon pour ses bontés, du moins pour sa tolérance. D'ailleurs, elle sentait que tout le monde, et même son oncle, lui donnerait tort si elle encourageait la passion de Frank. Il ne lui était même pas venu à l'idée qu'elle pût être un jour Mrs. Gresham, parce que Frank lui en avait fait la proposition, mais en dépit d'elle-même, sa pensée se reportait souvent sur ce qui s'était passé, beaucoup plus souvent peut-être que Frank n'y pensait lui-même. La veille de la fête du jeune héritier, elle se promenait avec son oncle dans le jardin qui s'étendait derrière la maison. Elle résolut de le sonder pour savoir si sa naissance lui donnait le droit d'épouser un homme du rang de Frank Gresham. « Que pensez-vous du mariage d'Augusta, mon oncle ?» lui demanda-t-elle. « Je n'y ai pas beaucoup pensé, Minnie. » C'était son petit nom d'amitié. « Et je ne pense pas non plus que personne s'en occupe beaucoup. » « Elle y pense, elle au moins, et lui aussi, je suppose. » « Je n'en suis pas bien sûr. Il y a des gens qui ne se marient jamais s'ils étaient obligés d'y penser. » « C'est peut-être pour cela que vous ne vous êtes jamais marié, mon oncle ?»« Peut-être. ou pour y avoir trop pensé, car l'un est aussi mauvais que l'autre. » Mary n'approchait nullement du but qu'elle s'était proposé. Elle reprit. « Eh bien, moi j'y ai pensé, mon oncle. C'est bien aimable à vous. Cela m'en épargnera la peine, et à Miss Gresham aussi, peut-être, car si vous avez pensé sérieusement, cela suffira probablement pour tout le monde. Monsieur Moffat n'a pas de famille. Il est probable que cela changea après son mariage. Mon oncle, vous êtes bien impatient aujourd'hui. Ma nièce, et vous, bien impatiente? Que nous fait le rang de Monsieur Moffat? Il a ce qu'on estime encore plus que le rang dans le monde, il est riche. Oui, dit Mary, il est riche. Et un homme riche peut acheter tout ce qui lui plaît, excepté une femme digne d'être aimée. Un homme riche peut acheter tout ce qui lui convient. Je ne veux pas dire par là que M. Moffat ait acheté, Miss Gresham. Je ne doute pas qu'ils se conviennent parfaitement, ajouta le docteur d'un ton d'autorité qui indiquait qu'il désirait en finir avec ce sujet. Mais sa nièce ne l'entendait pas ainsi. Voyons, mon oncle. Vous vous piquez d'avoir beaucoup de sagesse au point de vue du monde, mais cette sagesse n'en est pas une à vos yeux. Vraiment? Vous le savez bien. Quant à l'inconvenance du mariage de Miss Gresham, je n'ai pas dit qu'il fût inconvenant. Certainement, vous l'avez dit, et nous en causerons. Comment voulez-vous que l'on se forme une opinion si l'on n'observe pas les choses qui se passent autour de soi? Je vois que je vais être grondé, dit le docteur. Voyons, cher oncle, soyons sérieux. Sérieusement, mon enfant, j'espère que Miss Gresham sera heureuse quand elle sera Mrs. Moffat. Et moi aussi, je l'espère. Du moins autant qu'on peut espérer une chose si peu probable. Ça n'arrive-t-il pas constamment dans le monde? Eh bien, je veux espérer, mais mon oncle... Eh bien, mon enfant, je voudrais avoir votre opinion franche et sincère. Si vous étiez une jeune fille... Il m'est impossible de former une opinion sur une hypothèse aussi étrange. Bien, mais si vous vouliez vous marier... Cette supposition est aussi impossible que l'autre. Mais, mon oncle, je suis une jeune fille, moi, et peut-être me marierai-je un jour. Dans tous les cas, je puis en avoir l'intention. Certainement, cela est très possible. Donc, en voyant une de mes amies se marier, il est tout naturel que j'y pense comme si j'étais à sa place. Si j'étais Miss Gresham, ferais-je bien? Mais, Minnie, vous n'êtes pas Miss Gresham. Non, je suis Mary Thorne, et c'est tout différent, je le sais. Je suppose que je pourrais épouser n'importe qui sans déroger. Mary se rendait à peine compte de la portée de ses paroles. Elle n'avait pu réussir à amener son oncle sur le terrain qu'elle avait désigné d'avance, et en cherchant une autre route, elle s'était fourvoyée. « Je serais désolé que ma nièce le pensât, dit-il, et je regrette qu'elle le dise. Je ne sais où vous voulez en venir, mon enfant, mais vous ne parlez pas franchement comme à votre ordinaire. Je vais vous le dire, mon oncle. » Mais au lieu de le regarder en face, elle baissa les yeux. « Eh bien, Minnie, expliquez-vous, » dit-il en lui prenant les deux mains dans les siennes. « Je trouve que Miss Gresham ne devrait pas épouser M. Moffat, parce que sa famille à elle est aussi distinguée et noble que la sienne à lui l'est peu. Quand on a une opinion en pareille matière, on ne peut s'empêcher de l'appliquer aux choses et aux personnes qui nous entourent. C'est ce qui fait que je me la suis appliquée. Si j'étais Miss Gresham, je n'épouserais pas M. Moffat. Fût-il cousu d'or? Or, je vois bien... Quel est le rang de Miss Gresham? Mais quel est le mien? Voilà où je voulais en venir. » Lorsque Mary eut achevé de parler, le docteur reprit sa promenade sans lui répondre. Elle le suivit en continuant tout haut le cours de ses pensées. Si une femme pense qu'elle ne s'abaisse pas en épousant un homme d'un rang inférieur au sien, elle doit penser aussi qu'un homme ne s'abaisse pas davantage en épousant une femme d'une condition moins élevée que la sienne. Cela ne s'ensuit pas, dit vivement le docteur. L'homme élève la femme jusqu'à lui, la femme prend la position de l'homme qu'elle épouse. Ils gardèrent un moment de silence et continuèrent leur promenade, Mary tenant toujours le bras de son oncle. Elle était résolue d'en venir à ses fins. Après un moment de réflexion, elle se décida à aborder directement la question. Les Thorne sont d'une aussi bonne famille que les Gresham, n'est-ce pas, mon oncle? En fait de généalogie, oui, mon enfant. C'est-à-dire, quand je bavarde comme un vieux fou et que je vois les choses autrement que le monde ne les voit, je puis bien dire que les Thorne sont d'une aussi bonne et peut-être d'une meilleure souche que les Gresham. Mais je me garderai bien de dire cela devant qui que ce fût. Les Gresham ont maintenant dans le comté une position bien plus élevée que celle des Thorne. Mais ils sont de la même classe. Oui, oui. Wilfred Thorne, Dula Thorne et notre ami le Squire appartiennent à la même société. Mais mon oncle, Augusta Gresham et moi, sommes-nous de la même classe ? Minnie ! Vous ne voudriez pourtant pas m'entendre dire que j'appartiens à la même société que le Squire, moi, pauvre médecin de campagne. Cher oncle, vous ne me répondez pas franchement. Vous voyez bien où j'en veux venir. Ai-je le droit, oui ou non, d'appeler les Thorne Dula Thorne mes cousins ? Mary, Mary, dit-il après un instant de silence et en laissant tomber le bras qu'elle tenait toujours. Mary, Mary. N'auriez-vous pas pu m'épargner cette question ? Cela n'aurait pas pu toujours durer, cher oncle. J'aurais désiré qu'il en fût ainsi. Cependant, je l'aurais bien voulu. C'est fini, mon oncle, c'est fini maintenant. Je n'en parlerai plus, cher oncle. Je vous aimerai maintenant, si cela est possible, plus que jamais. Qu'étais-je sans vous ? Que serais-je devenu sans vous ? Il se jeta dans les bras du docteur, couvrant son front, ses yeux et ses joues de baisers. Il ne fut plus question de ce sujet entre l'oncle et la nièce. Mary aurait donné tout au monde pour connaître l'histoire de sa mère, mais elle n'osait en parler, dans la crainte d'apprendre qu'elle avait été une femme peu estimable. Elle savait parfaitement qu'elle était la fille du frère du docteur. Le peu de paroles qui avaient pu échapper à son oncle lui avait appris qu'elle était la fille de Henry Thorne et la petite-fille du vieux ministre. De petits événements, de petits incidents qu'on avait pu prévoir le lui avaient révélé. En parlant de son enfance, le docteur avait parlé de son frère, mais jamais il n'avait fait la moindre allusion à la mère de Mary. Et maintenant Mary savait qu'elle n'était pas la cousine des Thorne, Dula Thorne, du moins pas au point de vue du monde, et même qu'elle était la nièce du docteur qu'autant qu'il lui en avait donné la permission. Après son entretien avec son oncle, elle monta au salon et resta plongée dans de pénibles réflexions. Quelques instants après, son oncle entra. Il ne s'assit pas, n'ôta pas même son chapeau, mais restant debout, il lui dit « Mary, après ce qui s'est passé, il y aurait de la cruauté à vous taire une chose que vous ignorez. Votre mère a été bien malheureuse, mais non coupable. Le monde, qui juge ordinairement ces choses-là si sévèrement, ne l'a jamais condamnée. Je vous dis cela, mon enfant, afin que vous respectiez sa mémoire. » En disant ces mots, il sortit sans lui laisser le temps de lui répondre. Ce qu'il en faisait était par compassion. Il sentait ce que devaient être les sentiments de Mary à la pensée qu'elle avait peut-être à rougir de sa mère. Non seulement elle ne pouvait pas parler de cette mère, mais elle pouvait à peine y songer avec innocence. C'était donc pour calmer cette douleur et aussi pour rendre justice à sa femme à laquelle son frère avait fait tant de tort qu'il s'était décidé à révéler à Mary une partie de cette triste histoire. Il redescendit et se promena de long en large dans son jardin, pensant à ce qu'il avait fait pour la jeune fille et se demandant s'il avait agi sagement. Il avait résolu, au moment où l'enfant lui avait été abandonné, de ne jamais lui parler de sa mère. Il avait bien voulu se dévouer à l'orpheline, ce dernier rejeton de sa famille, mais il tenait à n'avoir rien de commun avec les Scatcherd. Il s'était dit qu'il était un gentleman et que si Mary était élevée par lui, admise à sa table et placée à la tête de sa maison, elle prendrait rang parmi les femmes bien élevées. Il s'était dit aussi que jamais il ne dirait rien d'elle qui ne fût strictement vrai, qu'il la ferait respecter par tout le monde, qu'il ne réclamerait jamais pour elle une position qui ne fût pas celle à laquelle elle put prétendre et que, quel que fût son sort à lui, elle le subirait. Il s'était dit tout cela. Mais les choses, au lieu de suivre le cours qu'il leur avait tracé, s'en étaient tracées un elle-même. Pendant 10 ou 12 ans, on n'avait pas entendu parler de Mary Thorne. On avait oublié la fin tragique de Henry Thorne, et la naissance de son enfant était restée un mystère, ou du moins, on s'en était peu occupé. Au bout de ce temps, le docteur avait annoncé que la fille d'un frère mort depuis longtemps allait venir demeurer avec lui, et comme il s'y attendait, personne ne lui en avait parlé. Mais il est probable que bien des gens avaient fait des commentaires entre eux. La vérité fut-elle découverte par quelques-uns, c'est ce qu'il nous importe peu de savoir. Une personne au moins ne se douta jamais que Mary Scatcherd eût laissé un enfant en Angleterre et cette personne était Roger Scatcherd. Un ami, et seulement un ami, le docteur avait tout révélé, et c'était au Squire. « Je vous l'ai dit, avait-il ajouté, afin que vous sachiez bien que l'enfant n'a pas le droit de fréquenter les vôtres, si vous attachez quelque importance à ces choses-là. Décidez-en vous-même, je désire que ça n'aille pas plus loin. » Personne n'en sut donc rien. Le squire en avait décidé lui-même, en s'accoutumant à voir la nièce du docteur jouer avec ses enfants comme si elle eût été de la famille. Il l'avait toujours aimée et remarquée, et lors de l'affaire de Mademoiselle Larron, il avait été jusqu'à dire, au grand scandale de Lady Arabella, que Mary était digne de siéger sur le banc des magistrats. Les choses avaient donc suivi leur cours ordinaire, quand tout à coup le docteur s'était vu interrogé par sa nièce, désireuse de savoir dans quel rang elle devait chercher un mari. Il se promenait donc dans son jardin, absorbé dans ses pensées, se demandant s'il avait agi prudemment vis-à-vis de sa nièce, et s'il était une seule position sociale à laquelle elle put prétendre. Puis ce projet de la garder pour lui tout seul, comment avait-il réussi? Il était encore pauvre, car il n'avait pas le don de savoir mettre de l'argent de côté. En dépit de ses confrères Filgrave, Century et Rarechild, il avait pu, grâce à sa profession, se créer un revenu qui avait toujours suffi amplement à ses besoins et à ceux de sa nièce, mais il n'avait pas, comme tant d'autres, une somme de 3 ou 4 000 livres sterling placée au tiers consolidé, qui, à sa mort, aurait pu permettre à Mary de vivre dans une certaine aisance. Il avait fait assurer sa vie assez tard pour une somme de 800 livres, et c'était là tout ce qu'il pourrait laisser à la jeune fille. Puis, à quoi avait abouti la résolution qu'il avait prise dès le principe de laisser ignorer l'existence de cet enfant à ses parents du côté maternel? De pauvres et misérables qu'ils étaient autrefois, n'étaient-ils pas aujourd'hui immensément riches? Mais lorsqu'il s'était chargé de l'enfant, ne l'avait-il pas arraché à la misère, à l'ignominie, au mépris du monde, enfin à la plus complète dégradation? Et maintenant qu'elle était devenue la joie de sa vie, son orgueil et sa gloire, fallait-il partager ce trésor avec d'autres? Révéler son existence à des parents communs, vulgaires, afin de lui faire partager leur fortune? Lui qui avait toujours méprisé les richesses, et qui avait enseigné à l'enfant à les mépriser, devait-il lui montrer que toute sa philosophie lui avait fait défaut dès que la tentation s'était présentée? Et cependant, quel homme consentirait à épouser une fille illégitime qui apporterait non seulement la pauvreté, mais encore une origine plus que douteuse à ses enfants? Il avait bien le droit, lui, le docteur Thorne, qui avait un nom à lui et une position indépendante, de professer des opinions contraires à celles du monde entier. Mais sa nièce le pouvait-elle? Quel serait donc son sort? L'éducation qu'elle avait reçue lui rendait impossible tout mariage avec un homme du commun, et d'un autre côté, il savait qu'elle ne donnerait jamais sa main et son cœur à un homme auquel elle n'aurait pas dit préalablement tout ce qu'elle savait ou croyait savoir sur sa naissance. Et ces questions qu'elle venait de lui adresser n'étaient-elles pas le résultat d'un appel à son cœur? La persistance qu'elle avait mise à l'interroger n'était-elle pas l'indice de quelque inquiétude secrète? Pourquoi lui avait-elle dit, et cela pour la première fois de sa vie, qu'elle ne savait dans quel rang se placer? Si un appel avait été fait à son amour, il ne pouvait venir que de Frank Gresham. S'il en était ainsi, que lui restait-il à faire? Devait-il emballer sa trousse, ses instruments et toute sa pharmacie, aller chercher ailleurs une autre clientèle, et abandonner le terrain à ses adversaires triomphants, les Filgrave, les Century, les Rarechild? Cela valait peut-être mieux que de rester à Greshamsbury pour y être témoin du malheur de son enfant. Et le pauvre docteur se promenait de long en large dans son jardin, plongé dans une triste méditation.